Bonjour et bienvenue pour cet épisode 0 du podcast Judéo Micro. Alors, de quoi on va parler dans ce podcast? Je parlerai essentiellement, en tout cas au début, de la campagne pour Donjons et Dragons que je suis en train de préparer. Elle est encore loin d'être finie et pas tout à fait prête pour être commencée. Mais j'ai quand même bien avancé sur pas mal de points. Donc, j'ai envie de vous partager tout ça. Vu qu'elle n'est pas encore commencée et que je suis à la phase de la préparation, ça va être pour moi l'occasion de vous expliquer mon cheminement, ma façon de faire, sachant que c'est la deuxième campagne ambitieuse que je prépare. Avant, j'ai joué à Trône de Fer, mais là, ça va être un environnement différent, parce que ça va être ma première campagne Donjons et Dragons. Je suis nouvelle à Donjons et Dragons, ça fait seulement quelques mois que je m'y suis intéressée en fait. Et j'ai retenu la solution la plus facile, c'est-à-dire celle de créer mon propre monde et de créer ma propre campagne. Vraiment le plus facile. Mais c'est super intéressant et voilà, j'ai plein d'idées à vous partager sur des techniques, des outils, des structures, certains éléments de théorie aussi que j'ai trouvé, pas que j'ai mis au point. Voilà. Donc c'était simplement un épisode zéro pour vous parler un peu du podcast et à très bientôt pour l'épisode 1.